the French language is not too fashionable. Putain, je sais pas écrire. Je peux utiliser Google Translate. Ouais, ben, I use Google Translate, but it take take a time to translate. It's not easy. If you ask to an English or American people to speak French, I think it's not really possible because they don't want to speak French. Just they sing two French songs. Les Champs-Élysées de Joe Dassin. Un jour, j'ai trouvé un Américain, je connais Joe Dassin, les Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Et après, cette seconde song, il disait, c'était quoi l'autre chanson? C'était Tous des gens morts. I am Iceland. On parle quoi en Islande? Islande. Il y a Islande? C'est quoi Islande? J'ai... Islandais. I found Islandais. On dit bonjour en Islandais. Allô? Allô? Bonjour, c'est allô. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va? Allô? Oula, oula. Allô, Pao et Araufara? C'est ça? Allô? Attends, comment on prononce? Fais voir. Attends. I try to understand the Google Translate with vocal function, but I hear a vocoder voice. It's incompréhensible. Pinaise. Listen to the Island language. Google version. Je crois qu'il y a un problème. It's not possible to speak Islandais. That's beautiful. Par contre, en italien, ça marche bien. I don't like to sing German language is hard to sing. Yeah, don't worry about German it. Language. It's very nice of you to try. Hallo, es geht. Hallo, es geht. Ah non, c'est gentil encore. Hallo, es geht. Attends, je vais te dire beaucoup plus simple. Ça, if you want to learn a language for the future, you must learn Chinese. I like Chinese. Ni hao, ta hui qi. Ah oui, ni hao, ta hui qi. Ça, c'est le chinois simplifié en plus, putain. Ah, il y a basque. Catalan. C'est quoi catalan? Un catalan. T'es catalan. Je suis catalan. Corse. Non. Il y a même du corse. Parce que les corses, ils parlent corse. Ils parlent pas français, ils parlent corse. Créole. Ah, c'est bon, le créole. Sakazuke, sakaneke, sakadanse toute la nuit. Bon, l'italien, c'est plus joli, quoi. Et l'italien by Google. Ciao, sta andando. Ciao, sta andando. Ciao, sta andando. Il est où le micro, là? Putain. Il est où le micro? Ah, Ah, c'est là le micro. La cagoule. La cagoule. Oh, c'est bien Google Translate hein, quand tu pars en vacances. Oh, sol mio. Et joli ton piano, Benjamin. Eh, c'est Benjamin Benoît. Je t'ai fait chier une fois avec ça. Non, mais sans déconner, j'arrive à savoir si t'appelles vraiment Benjamin, c'est important pour moi. Je passerai une meilleure soirée si j'arrive à savoir comment tu t'appelles. Parce que pour une fois qu'il y a un mec qui a un pseudo comme moi, quoi, qui se rapproche d'un vrai prénom, je sais qu'il faut qu'on prenne des pseudos, c'est important, c'est pour notre vie privée. Moi je m'appelle. Oula, il y a un chat qui est monté sur le piano. C'est vrai que les Benoît, on t'appelle Ben aussi, toi ? T'es toujours en forme. Et tu sais, un gars, un jour, il m'a dit « Benjamin, Benjamin, toi, t'es né dans les années 70, toi. » Putain, je dis « Comment t'as deviné ?» Ben, juste dans les années 70, on appelait les garçons Benjamin. Pas mal, pas mal. Donc toi, les Benoît, t'es né... les Benoît, c'est un prénom des années... Attends, laisse-moi réfléchir. Je regarde Google. Ouais, un personnage que j'aime bien qui s'appelle Benoît Hamon. Benoît, tu sais que tu es... Béni par Dieu. Tu ne peux que réussir dans la vie. Parce que Benjamin, moi, ça veut dire fils de la main droite. On va comprendre, c'est un truc de la Bible. C'est un prénom de la Bible. Béni par Dieu. C'est beau ça. Issu du latin Benedictus. J'ai envie de t'appeler Benedictus. Nice song, nice song, I like it. Une chanson aux addicts. c'est comme on avait dit, un coin de paradis, un piano, un pianiste, un tour de piste. C'est comme un bon vieux temps, quand c'était mieux avant, une mélodie légère, un courant d'air. Oh, ba-da-ba-ba-ba, DVD, ba-da-ba-ba. Ça va bien, ça, tu, hein? Do you like my lyrics? C'est comme on avait dit, un coin de paradis, un piano, un pianiste, un tour de piste. C'est comme au bon vieux temps, quand c'était mieux avant. Une mélodie légère, un courant d'air. C'est la mélodie du bonheur. C'est la mélodie du bonheur. C'est la mélodie du bonheur. Du bonheur. C'est l'air du temps qu'on perd. Fait briller l'été, l'hiver et tes grands yeux clairs, tes grands yeux clairs. C'est comme un peu de pluie en fin d'après-midi, un tuba, un tubiste et une chanson triste. C'est la mélodie du bonheur, la mélodie du bonheur. C'est la mélodie du bonheur. Du bonheur, pas du bonheur. Bonheur. C'est la mélodie du bonheur. C'est la mélodie. C'est la mélodie du bonheur. C'est comme un peu de pluie en fin d'après-midi, c'est comme au bon vieux temps, quand c'était mieux avant. Une mélodie légère, un courant d'air. C'est l'air du temps qui passe et qui fait danser la fille d'en face. La fille d'en face. Vous connaissez la fille d'en face? C'est une jolie fille. En été, elle est belle avec ses petites robes. Elle danse dans son jardin. C'est la mélodie du bonheur. Benoît, on t'entend plus, Benoît. Benoît, qu'est-ce qui se passe? Benoît, reviens. I like your song, Zélix. En Islande, ils font de belles musiques. Mesdames et messieurs, en direct de Lindbot, la nouvelle scène musicale. Ce soir, nous avons d'excellents musiciens avec Monsieur ZX de l'Islande et sa guitare. Nous avons aussi un petit peu d'Italie avec Perdon. Et nous avons Benoît au clavier. Benoît, France, français, du pays d'Emmanuel Macron. C'est comme on avait dit, un coin. coin de paradis. Un piano, un pianiste, un tour de piste. C'est comme au bon vieux temps, c'était mieux avant. Une mélodie légère, un courant d'air. Thank you. Es la melodía de la felicidad. Es la melodía de la felicidad. Es la melodía de la felicidad. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre, il est sur la scène, Jean-Pierre. Thank you. Monsieur Burns, dans 20 ans, je n'ai jamais rien vu d'aussi lamentable, d'aussi... $1,000,000 comme ça sur ma table, tout d'écran. Venez, Smithers, quittons cette pièce, voulez-vous, en espérant que lorsque nous reviendrons, ces gros tas de billets se seront envolés. Faut reconnaître le morceau. Dans tes miroirs chinois, dans le bleu des photos. Mais n'empêche, tu chantais bien, putain. Moi, j'arrive pas à la faire. Alors, je crois que j'ai une petite idée. C'est aigu, un disque d'or accroché dans la chambre. Non, sans déconner, si, sans déconner. Je suis sérieux là. Des fois je dis des conneries, mais là je suis sérieux. Non, c'est à cause de la coupe de cheveux en fait. Depuis que je me suis coupé les cheveux, c'est devenu un petit peu plus compliqué quoi. Non, des conneries, c'est de la merde en barre, ça putain. J'aime pas faire dire ça. Mais... Gordini. R12 Gordini. Putain, mais la R12. Justement, moi j'ai eu la R12, vous l'avez pas eu la R12? On a eu la R12 TS Break, c'était 80 chevaux d'in, mon gars. 80 chevaux. Double corps. Les R12 Gordini. Putain, ça y envoie la R12 Gordini, je l'ai trouvé hein. Moi, je suis monté dans une R8 Gordini avec les jantes complètement tordues là. Putain, la R12 Gordini, elle marchait bien. Hein. On a nous Jean-Pierre, on a connu la 205 GTI. On a connu la 205 GTI. Allez. Démarrage. Et le mec il filme le. Il y a un mec qui filme le démarrage de sa R12 Gordini. Mais elle fait un bruit bizarre la R12 Gordini là. Rallye Monte Carlo hein. Putain la R12 Gordini elle a fait là. Ah c'est un air chambon. Je savais pas moi. Rallye Monte Carlo putain. C'est à dire que bon non mais il a enlevé enfin c'est à dire qu'il a enlevé la culasse quoi. Moi j'ai bien, j'aimais bien la Renault 14. La poire. Je voulais acheter une Renault 14. On m'a dit non achète pas ça. Vous savez la voiture dont les gamins se foutent le plus Ouais R6TX c'était costaud ça. Ma gamine elle me dit non, les gamins ils se moquent dit, du non, Fiat Multipla. On fait bien d'autres choses. Bah, Renault. Ah alors attendez une. En parlant de bagnole j'en ai qu'une, moi j'ai vu une bagnole. Celle qui m'a le plus impressionné c'est, je vais te dire ce que c'est moi. Je l'ai vu au circuit de Charade vers chez moi en Auvergne. Bon, les gamins, ils prennent le bus, quoi. Attends. Mustang. Attends, écoutez ça. La voiture qui m'a le plus impressionné dans ma vie, c'est ça, là. Bonjour à tous. Oh putain, il parle, lui. Mais ta gueule, toi, pourquoi il parle? Attends. Ça s'entend, ça. Allez, envoie, accélère, bordel, ouais, accélère la Mustang. C'est une Mustang, mais il accélère pas, le mec. Une trancheuse à jambon. Moi, j'ai ça, j'accélère à fond. Là. Allez, envoie la purée. Oh là, putain, ils envoient même pas la purée. Et là, tu fais une vidéo juste pour démarrer. Oh là là. Putain, merde. Bah, en fait, il fait une vidéo de sa femme habillée aussi. Il dit bon, si vous voulez la voir nue, c'est pas prévu quoi. Ah si, ça y est. Ça y est, elle démarre. Et votez, Non mais, il y en a, il met des vidéos, le son est pourri quoi. Attends, il faut vous arriver à écoutez, c'est quoi cette voiture qui démarre? Oh putain, c'est quoi ça? Ah, moi je sais. Alors ça c'était la 2 chevaux. Putain c'était une bonne bagnole la 2 chevaux. Moi aujourd'hui j'ai une Citroën ouais. Mais ah 8 pardon attends. GS Birotor. Pas une GS1, GS. Voilà GS Birotor. Mais ça passe. Ça passe même pas le bruit d'une Mustang dans une vidéo ou YouTube tellement c'est. Une GS, c'est Citroën ça ouais. Avec les suspensions, c'était ils avaient une super suspension ouais, Citroën. Mais par contre tu vomissais. Oui, mais avec un moteur birotor, c'est le truc. Moi, j'ai été monté dans une CX, CX diesel, CX break et j'avais vomi. C'était un bateau. Impeccable. Birotor CX Non, pas, pas cette année, mais l'année dernière, je suis allé au Rétromobile. Franchement, merde, je connais pas ça. Birotor. Non, GS Birotor. C'est avec un moteur rotatif comme. C'est un moteur Wankel. Ah, GS, j'ai une GS Birotor. C'est une GS, pas une GS1. Hein. GS Birotor. Oui, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. Oh putain, il y a une vidéo, le mec, il y a je sais pas combien de compteurs. Oh. Attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 compteurs, il y a 6 machins. Ouais, bah c'est un moteur. C'est un moteur j'ai sport. Jamais vu ça, une GS Birotor. Tu m'apprends un peu. C'est en voie ça, non? Mais il y va doucement, le mec. C'est un truc mort-né en fait, pendant la crise pétrolière, c'est sorti. Et c'était pas super au point. Putain. Et bah, vu que ça consommait trop, ils ont tout, ils ont récupéré toutes les bagnoles qu'ils avaient vendues aux clients. Et ils ont foutu la Ferrari. Pas, on voit pas le moteur. Il y a là. Des mecs qui n'ont pas voulu les rendre et il doit plus y en avoir beaucoup. Il doit y en avoir une cinquantaine. C'est un moteur rotatif. Ah, ah merde. Je suis en train de m'endormir dans l'obscurité. J'ai même pas allumé la lumière, bordel. Bon, Benoît, faut faire du son là. Benoît, qu'est-ce que tu fais, Benoît? Je crois que je vais aller manger. J'ai faim. À bientôt. J'ai faim. Bah, il y avait Benoît, Jean-Pierre. Et Benjamin. À plus sur Canal+ ou dans le bus.